se laisse emporter. On fait mille gambades pour amuser la dame. On lui joue des ovales en déclarant sa flamme. On oublie que le temps ne sait pas s'arrêter. On est comme les enfants, on aime trop rêver. On est comme les enfants, on aime trop aimer. On sait pas où on va, mais on y va quand même. On aime bien trop ça, pouvoir dire je t'aime. Et vivre jusqu'au bout ces fragiles instants, quand la chair et le cœur s'éclaboussent de joie. On veut croire au bonheur, paraît qu'on y a droit. Et même si c'est fou, on y va. Et pourtant, même si c'était tout, ces tout petits moments, même si c'était tout, on irait droit devant. C'est l'ourlet d'une oreille, la courbure d'un cil, et tout nous émerveille à en perdre le fil. La douceur d'une peau si semblable à la nôtre, qu'on ne sait plus très bien où l'autre se finit. Et que sera demain, enfer ou paradis? On est pas bien au chaud, l'autre côté de l'autre, c'est toujours un écho. Et l'autre reste l'autre, c'est toujours un écho. L'autre n'est plus l'autre. Toujours.